C'est comme nous l'avons annoncé les jours passés. Les frères David Chilenge est déjà arrivé. Et vous, dans la joie de l'accueillir, les saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Combien se souviennent encore de lui? Je vois. Approchez. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Jina la bwana wetu Yesu Kristo isifiwe. Lui qui m'a gardé et qui vous a aussi gardé. Yeye ule alinichunga na kumichunga moye pia. Et qui a permis que nous puissions encore nous revoir dans cette chair. Na aliruhusu tupate tena kuonana pa hii mimbari. Que son nom soit loué. Mui mwili jina lake lisifiwe. Vos bien-aimés frères et sœurs de Kalendagar, particulièrement mon épouse, votre sœur Monique, m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Je remercie votre berger, mon ami, mon frère, Pierre Ngoindaye, pour l'hospitalité. Pierre Ngoindaye, Dieu a kunipokele ya. Et que Dieu bénisse aussi frère José. Na munga umbariki tena nduku José. Tous les diacres et les administrateurs. Bashemashibote na bazamini. Notre chère bonne chorale. Na kwaya yetu mzuri. Chaque frère et sœur. Kila nduku na kila dada. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Mungu amibariki, Dieu a uwepo wenu. Sans tarder, veuillez vous lever pour honorer la parole de Dieu. Bila ugawia musimame juu ya kuheshimia neno la Mungu. Nous allons lire deux passages des Écritures. Tutasoma mabarua mbili ya andiko. Acte chapitre 1er. Matendo ya mitume sura ya kwanza. Verset 15 à 18. Mustari a 15 à 18. Verset 8 à 11, excusez-moi. Mustari Acte munane. Chapitre 1er. Matendo ya mitume sura ya kwanza. Verset 8 jusqu'au verset 11. Mustari ya munane kufika na 11. Et nous allons lire Ephésiens chapitre 1er aussi. Tutasoma pia wa Efeso sura ya kwanza. Verset 15 à 19. Mustari ya 15 kufika na 19. Et quand nous allons nous asseoir, je lirai aussi le psaume 130. Wakati tutekala tasoma tena mazaburi 133. Pour introduire ma prédication. Dia kuingiza kuanzisha mahubiri yangu. Je crois que vous êtes tous disposés à recevoir la parole. Na wazia mwe bote mko tayari juu ya kusikia neno la Mungu. Je lis au nom du Seigneur. Nikunasoma mujina la Bwana. Mais vous recevrez une puissance. Alakini mutapokea uwezo. Le Saint-Esprit si venant sur vous. Roho Mtakatifu itakuwa yulu yenu. Vous serez mes témoins. Mutakuwa washuhuda wangu. À Jérusalem. Mu Yerusalema. Dans toute la Judée. Mu Yudea yote mzima. Dans la Samarie. Mu Samaria. Jusqu'aux extrémités de la terre. Kufika na kumipaka ya dunia. Je peux dire jusqu'aussi à Kambov. Nawezi kusema kufika na Mukambov. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il le regardait. Akisha kusema vile akanyanyuliwa wakati ile alikuwa anawaangalia. Eh! Il nioue le déroba à leurs yeux. Na wingu ikawapotesha macho yabo. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Wakati ile macho yabo ilikuwa inaangalia kumbingu pale alikuwa naenda. Voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Tazama batu bawili wenye kuvala byeupe akabaonekania. Na kusema. Homme galiléen. Wewe batu wa Galilaya. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jia nini mnasimamia tu kuangalia kumbingu? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous. Huyu Yesu alinyanyuliwa kwenda kumbingu toka katikati yenu. Viendra de la même manière que vous l'avez vu en là au ciel. Atakuja paka munamu na Est-ce que l'Église peut dire amen à cela? Amen. Éphésiens chapitre 1er. Wa Efeso sura ya kwanza. C'est pourquoi moi aussi, Jokwamana na mimi pia, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Kisha kusikiliza wanasema kuhusu imani yenu Bwana Yesu Kristo. Et de votre amour pour tous les saints. Na kwa mapendo yenu ya watakatifu bote. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Mishiache kushukuru Mungu juu yenu. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Nikuna mitaya mu maombi yangu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ. Ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Le Père de gloire. Baba wa utukufu. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amipatie roho ya hekima na ya ufunuo mu famu yake. C'est une prière, vous écoutez. Ni maombi mnaisikia. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Mes frères de Cambové, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui le réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant que vous vous asseyez, je lis aussi le psaume 130. Je commence au verset 1 à 5. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Nous avons un Dieu qui a les oreilles qui entend. Nous avons le Dieu qui a les yeux qui voit. Ah, si tu gardais les souvenirs des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Bwana kama ukichunga ukumbusho ya uovu yangu Yehova, Bwana ni nani ula nawezi? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Lakini usama iko kwako. Mais muamini kanisa? Croyez cela. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Usama iko kwa Mungu. Afin qu'on te craigne. Ili bapate kukuogopa. J'espère en l'Éternel. Na mtumainie wa milele. Mon âme espère. Nafsi yangu inatumainia. Et j'entends sa promesse. Na mimi nasikiliza malako yake. J'attends sa promesse. Niko nachunga malako yake. Amen. Amen. J'attends sa promesse. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Alléluia. Notre sujet pendant ces jours sera sur l'espérance bénie des élus. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, s'il n'y a pas de promesse, kama hakuna malako, il n'y a pas d'espérance. Hakuna tena na tumaini. C'est la promesse qui suscite l'espérance. Ni malako, njo kuna lamusha tumaini. Même dans les choses naturelles. Hata mbitu ya asili. Si tu promets à un enfant quelque chose, kama ukimulaka mtoto kitu fulani, la promesse là enfante l'espérance. Ile malako ile inalamusha tumaini. Amen. Amina. Et le Dieu qui nous a appelés, na Mungu lalituita, puisque nous ne sommes pas ici par l'appel d'un homme, Dieu nous a appelés. Mungu njo alituita. Ce Dieu qui nous a appelés est réel. Ule Mungu alituita ni wa kweli. Amen. Amina. Il s'appelle Dieu des promesses infaillibles. Yeye anaitwa Mungu wa malako yasipo kukotola. Et lui-même dans notre foi nous croyons. Que seul Dieu est infaillible. Et quand il fait les promesses, les promesses de Dieu sont réels. Malako ya Mungu ni ya kweli. Notre Dieu n'est pas comme les hommes. Mungu wetu anasa watu. Les hommes promettent mais ne réalisent pas. Batu beko na laka lakini ababitimize. Amen. Amina. Mais nous avons un Dieu. Na lakini tuko na Mungu. Nous sommes fiers de lui. Tuko na fieri yeye yake. Et peuple de Dieu, soyons sûrs de notre Dieu. Taifa ya Mungu tukwe na hakikisho ya Mungu. Car c'est un Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Juni Mungu leko nasema kitu na ile kitu inafika. C'est un Dieu quand il promet, il accomplit. Ni Mungu le kama akilaka anaitimiza. C'est un Dieu qui ne peut pas s'excuser au sujet de ses promesses. Ni Mungu lawezi kulomba msamaha kufuatana na malako yake. Il ne fait jamais de fausses promesses. Ashezi kama kulaka bia bongo. Il ne fait jamais de vaines promesses. Ashilaka ke bia bongo. Est-ce que l'église peut dire amen? Et kanisa. Notre Dieu n'est pas comme nous, les parents d'aujourd'hui. Comme l'enfant pleure, tu lui fais une vaine promesse. Non, calme-toi. Je vais te faire ça. Et l'enfant se calme. Il espère. Jusque depuis que tu l'as calmé, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais accompli ce que tu as promis. Je crois que je dis ce que je dis est vrai. C'est que nous sommes les hommes font de promesses vaines. Manake tukubatu wa malako ya bongo. Et des politiciens. Bafanya siasa. Enlevez votre espoir dans les politiciens. Mutoshe tumaini yenu ndani ya bafanya siasa. Dit amen Elisa. Amina. Oh, il a promis. Oh, arilaka. Il a promis. Arilaka. Un seul qui promet, qui accomplit avec fidélité, c'est le Dieu que nous prêchons ici. Mumoja tu uleko na laka na kutimiza na uaminifu. Mettez la foi et la confiance dans les promesses de Dieu infaillible. Mweke imani yenu na tumaini yenu ndani ya Mungu asipokotola. Est-ce que l'église peut dire amen? Amina. Et tous les plans du salut de Dieu mapu yote ya Mungu est basé sur les promesses. Inayengwa yulu ya malako. Alléluia. Amina. Même toi et moi, ata we na mie, nous sommes les enfants de la promesse. Ya malako. Nous avons reçu tulipokea un prophète promis. Nabi we ule baditulaka. Et nous avons reçu un enseignant promis. Na tulipokea mwalimu ule baditulaka. C'est la vérité. Et nous attendons la plus grande promesse. Et vous savez la plus grande promesse, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous lisez cette Bible, la Bible, c'est un livre de promesses. Frère, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'homme a été chassé du jardin d'Éden avec les promesses derrière. Alléluia! Vraiment, Dieu aime l'homme. Dieu chasse Adam et Ève avec la promesse de la semence de la femme. C'est la semence du la promesse du rédempteur. C'est la vérité, frère. Et notre rédempteur, ce n'est pas Branham. Notre rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu a promis le salut. Aujourd'hui, le salut est accompli. Je suis devant les hommes et les femmes, et moi-même qui prêche le résultat du salut promis. Alléluia. Il a promis le salut. Il a accompli le salut. Quand Dieu promet, Dieu veille sur sa parole. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi David, dans Psaume 138, versets 1 à 2, écoutez bien ses fondements. Je te célèbre de tout mon cœur. Oh, c'est merveilleux ça. Quand tu célèbres l'Éternel, célèbre-le de tout ton cœur. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous chantons les cantiques de louange de Dieu, pas les cantiques qui nomment les gens. Les cantiques qui nomment les gens, oh Branham, oh Ezekiel. Non. Nos cantiques, nous chantons un seul nom. Est-ce que l'église veut dire amen? Nous chantons les noms de Jésus. Il dit, je te célèbre de tout mon cœur. Je me prosterne dans ton Saint-Temple. Je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et ta fidélité. Car ta renommée. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Ta renommée. Kavumo yako. Musoili biko bien san. Musoili sa. Ta renommée. Kavumo yako. C'est écrit. Aina zambala. Par l'accomplissement de tes promesses. Kupitia kutimilika kwa malako yako. Mungu ni Mungu puisque ni Mungu eko na lake kuna accompli. Dieu c'est un Dieu parce que c'est un Dieu qui promet. Et laissez-moi déclarer ce soir. Wacha kusema ni sema. Aucune des promesses de Dieu faites dans cette Bible. Aucune des promesses de Dieu ne restera inaccompli. Quand tu lis dans la Bible, tu trouves que c'est une parole de promesse. Croyez que Dieu accomplira chaque promesse mot à mot, verset par verset. C'est un Dieu qui n'est pas séparable de sa parole. Pourquoi, frère, avant que ce soit la parole de la promesse, lui-même a déjà ruminé cette fois. Il l'a cru. Avant que toi tu crois, le premier croyant de sa propre parole, c'est le Dieu que nous prêchons. Même si les gens refusent de croire, lui-même Dieu a déjà la foi dans sa parole. Oh, j'aime ce grand Dieu. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire gloire à Dieu? C'est la vérité, frère. Nous avons un Dieu terrible. Avant de prononcer la promesse, il l'a mûri. Bientôt là, les discours vont commencer avec des promesses mensongères, des promesses non mûries dans le cœur, des promesses trompeuses. C'est pourquoi l'Église, nous n'avons pas besoin de promesses des gens. Confions-nous dans l'Éternel. C'est la vérité, frère. Oh, il m'a promis. Il m'a promis. Si un homme te promet quelque chose et qu'il te donne, ce n'est pas lui. C'est Dieu. Je vous dis la vérité. Ayez confiance à ce Dieu. Je suis venu vous encourager. Comprenez que le Dieu que nous adorons n'est pas un simple homme. C'est un Dieu terrible. Est-ce que l'Église dit amen? C'est pourquoi David a dit dans Psaume 33, il dit ceci: que toute la terre, verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a pas, vous ne projetez pas les Écritures? Que toute la terre craigne l'Éternel. Musema kumbela, amen. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. L'Éternel renverse les desseins de nations. Il anéantit les projets de peuples. Mais les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Hérèse et la nation nation dont l'Éternel est Dieu. C'est nous ici. Errez le peuple qu'il choisit pour son héritage. Voilà la grandeur de notre Dieu. Il est un Dieu terrible. Il accomplit ce qu'il dit avec fidélité. C'est vrai, frère. Et dans Jérémie, chapitre 1er, le même Dieu dit: oh, j'aime ce merveilleux. Ayez confiance en lui. Et au verset 11 de Jérémie, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: qui est bien vu? Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et dans d'autres traditions, il est dit: je veille sur ma parole pour l'accomplir. Voilà ce Dieu ici. Quand il prononce sa parole, vous ne pouvez pas lui dire: Seigneur, as-tu oublié la promesse? J'avais déjà oublié. Vraiment, non. Notre Dieu veille sur sa parole. Il ne veille pas sur la parole d'un prophète. À moins que ce soit ses paroles qu'il avait mis dans la bouche de son prophète. L'Éternel ne veille pas sur les interprétations des hommes. Il veille sur sa propre parole. Est-ce que l'Église dit amen à cela? Amen. C'est pourquoi David dit: mon âme espère en l'Éternel et j'attends sa promesse. C'est la vérité, frère. Et quand vous lisez dans Ésaïe 46, qu'est-ce que Esaïe aussi dit? Esaïe 46. La Bible dit, au verset 9 jusqu'à 11: souvenez-vous de ce qui s'est passé de les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Personne n'a pas le droit de venir nous intimider. Oh, Branham et Dieu, vous voyez la colonne de feu. Ça, ce sont seulement des démons. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Oh là là là là là là. Je suis Dieu. Nul n'est semblable à moi. Hakuna wa kufanana na mimi. J'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit: mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient aux autres de proie d'une terre lointaine un homme pour accomplir ma volonté, pour accomplir mes desseins. Voyez, je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez dans Ézéchiel au chapitre 12, écoutez comment notre Dieu parle par Ézéchiel. Au verset 26 jusqu'au 28, il dit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Voyez, il prophétise pour le temps éloigné. C'est pourquoi allez dire aux frères et sœurs à Kambove, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Dit le Seigneur, l'Éternel. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que aucune promesse de Dieu ne s'accomplira ni avant ni après son temps. Et mettez de côté le langage de Dieu. Si le Seigneur tarde, le Seigneur ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Chaque promesse dans cette Bible s'accomplira en son temps. Dieu n'accomplit aucune promesse en retard. Les gens croient aujourd'hui que Jésus a tardé de venir. Jésus n'a pas tardé de venir. Le temps de sa venue n'est pas encore là. Quand le temps sera là, il va venir. Est-ce que vous dites amen? Toutes les promesses de Dieu, chacune des promesses s'accomplira en son temps. Et le soir où je vous prêche, ce soir où je vous prêche, Dieu a déjà accompli beaucoup de promesses. Si on est bien prêché, ce que Dieu a promis, il a accompli. Vraiment, ça nous prendra des années. Il avait promis, une vierge concevra. La vierge a conçu. Une chose impossible. Que Dieu vous bénisse. Il avait dit à Abraham que ta postérité sera dans une terre étrangère. Mais là, ils sortiront avec de grands biens. Dieu a accompli ce. Là, nous avons nos frères qui étaient en Israël. Ils sont témoins que la Bible c'est une vérité. Dieu a accompli des choses réelles. Frère, la Bible c'est une réalité. Alléluia. Si tu as les moyens, allez aussi en Israël. Allez voir que les choses sont réelles. Même si tu n'as pas les moyens, croyez que les témoins, ce qu'ils viennent nous dire, c'est la vérité. Dieu, c'est une réalité. Il a fait sortir les enfants d'Israël avec des grands biens. Ils ont traversé la mer Rouge, cette mer des roseaux. Frère Pierre, vous l'avez vu, je crois. Ce sont des vérités. Nous avons un Dieu réel. Il fait de grandes choses réelles. Croyez, frère. Il a promis que je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Croyons qu'il reviendra. Ne croyez pas une fausse venue que les gens prêchent. Il est déjà venu. Oui, il est venu. Il est où? Il est quelque part. Sont des imaginations. Mais ici, dans cette église, on vous prêche la vérité. C'est cette vérité que nous venons soutenir. On ne vous amène pas de nouvelles choses. Que Dieu vous bénisse. Mais bien-aimés, mes très chers frères, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu réel. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, parlons un peu de promesses. Dans 2 Pierre chapitre 3, il dit ceci, à partir du verset 1er, il dit, voici bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Tout homme qui prêche que Jésus est déjà venu, tout homme qui prêche que les tonnerres sont révélés, tout homme qui prêche que Branham est Dieu, tout homme qui prêche que les sangs séchés, tout homme qui prêche que à cause de la grâce, nous avons la liberté de vivre comme nous voulons. Ces gens-là sont les bons cœurs de la parole. J'aime entendre vos amen. Ils sont des moqueurs. Alléluia. On les avait aussi promis. Parmi les promesses, on nous a promis qu'il y aura des moqueurs. Qui est moqueur? Tout homme qui change la vérité de Dieu en mensonge, c'est un menteur. Alléluia. La seule espérance qui reste pour l'église, c'est la venue de Jésus Christ. Maintenant toi tu viens dire aux gens, non, Jésus est déjà venu. Mais c'est la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie dont la Bible parle. Donc Paul pouvait dire aux Galates, qui vous a ensorcelé? Du haut de cette chair. Nous ne prêchons pas frère Branham. Nous ne prêchons pas frère Franck. Nous ne prêchons même pas nous-mêmes. Un seul et le centre de la prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je cite le nom de Jésus, je crois que les démons tremblent. Le nom de Jésus dépasse le nom de tous les prophètes. C'est un nom qui a de grandes puissances. Alléluia. Mais quand nous prêchons Jésus, nous rendons aussi témoignage de ses serviteurs. Nous disons, on ne peut pas parler du déluge sans se parler de Noé. On ne peut pas parler de l'Exode, des enfants d'Israël, sans parler de Moïse. Ce n'est pas la vérité. C'est vrai, frère. Et nous ne pouvons pas parler du message du temps de la fin sans parler de William Branham. On ne peut pas parler du moment présent, du temps présent, de ce laps du temps avant le retour du Seigneur sans parler de Walde Frank. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, là où tu vas prêcher, là où tu vas annoncer Jésus, n'oublie pas de parler aussi de moi son prisonnier. Nous parlons en guise de témoignage, mais le centre de notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le Dieu de William Branham. C'est le nom par lequel William Branham a fait des exploits dans son ministère. Si tu veux aussi faire exploit dans ta vie, n'abandonne jamais le nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut dire amen? Alléluia! Amen. Il y a les églises aujourd'hui, on cite le nom de Jésus, les gens sont tristes. On cite le nom de Branham, les gens sautent. Ça, ce n'est pas les gens de l'église. Que Dieu soit loué. Je crois que je prêche à l'aise. Hein. Ici, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom dans lequel il y a toutes les promesses. Regardez encore la promesse. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est une promesse. Est-ce que vous croyez que c'est une promesse? Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que tous les démons sortent. C'est un nom merveilleux, frère. Si vous voulez vous dégager de, vous n'avez pas une bonne humeur, commencez seulement à chanter le nom de Jésus. Exaltez seulement Jésus. Vous verrez les démons vous fuir. Merveilleux nom. Tu es devant une situation difficile. Évoque le nom de Jésus. Tu as des problèmes, des insomnies. La nuit, lève-toi, chante le nom de Jésus. Tu es au champ. Ne regarde pas que les champs bien produits ou n'ont pas produit. Ça, ce n'est pas notre problème. C'est Dieu qui donne. Est-ce que l'Église peut dire amen? Nous, c'est le nom de Jésus. Tout ce que nous avons, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. La santé, c'est Jésus. Les enfants que nous avons, c'est Jésus. Le travail, c'est Jésus. Tout, c'est Jésus. Le salut que nous avons, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Branham lui-même pouvait venir nous dire quoi si Jésus ne lui avait pas donné le message. Voyez frère, nous sommes un peuple heureux. Nous sommes un peuple béni. C'est pourquoi prenez courage. Il ne faut pas rétrograder. Avancez frère. Allez de l'avant. Le Seigneur est avec nous. Frère, il dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Au verset 4, les moqueurs disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ainsi qu'il était retiré de l'eau, formé moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Alléluia. Amen. Il avait promis la pluie au temps de Noé. Il avait accompli sa promesse. Noé appréciait cette promesse. Noé construisait l'arche avec l'espérance. Que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Quoi que les gens pouvaient dire, Noé s'en tenait à la promesse de Dieu. Et vous savez, frère, Noé avait écrit une chose sans référence. Oui. Il n'y avait pas de pluie. Dieu faisait croître les choses par la rosée. C'est comme ça que Dieu faisait. Mais la première pluie, le mot pluie, est sorti pour la première fois dans la bouche de Dieu lui-même. Et les premières oreilles humaines à entendre ce mot pluie, c'est Noé. Un croyant, un élu, il donne raison à Dieu. Alléluia. Quand Dieu a déjà parlé, un élu croit. Frère, Noé est allé annoncer aux gens, il y aura la pluie. Les gens ont pris des radars, ils ont regardé, ils ont dit, mais la pluie là ou non? Il a dit, même si vous ne voyez pas la pluie, moi je crois ce que Dieu a dit. Un élu croit ce que Dieu dit. Un élu croit Dieu dans ses mots. Amen, amen. Amen. Non, je ne peux pas vraiment être couvert de honte. Non, frère. Pour venir s'excuser, pardonnez-moi, excusez-moi. J'avais dit ça. J'ai manqué combien d'accomplir. J'ai eu beaucoup de l'opposition. Satan m'a beaucoup compliqué. J'ai manqué à accomplir mes promesses. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. Il n'y aura aucun empêchement. Aucun handicap à empêcher Dieu d'accomplir sa parole. Oh, j'aime ce Dieu ici. Frère, les années se sont écoulées. Noé est un élu. Il avait l'espérance dans les promesses de Dieu. Un jour, Dieu lui dit, le temps est arrivé. Faites entrer dans l'arche. Il a exécuté. les bêtes qui étaient destinées au salut. Pas tous les bêtes. Il y a ceux qui sont destinés au salut. Frères, ils sont entrés dans l'arche. Amen. Amina. Mes bien-aimés frères, Dieu lui-même a fermé la porte. Dieu a fermé la porte. Et je vous dis au nom de Jésus, aujourd'hui aussi, le même Dieu qui a ouvert la porte du salut au calvaire, bientôt il va fermer la porte du calvaire. Alléluia! Aucun homme ne fermera. Dieu lui-même qui a inauguré le salut, Dieu lui-même va fermer la porte. Et tous ceux qui sont destinés au salut seront dans le corps de Christ. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu a accompli sa parole. Mais toi et moi, un homme comme Noé là, il a créé une chose sans référence. Mais toi et moi, l'enlèvement, ce n'est pas quelque chose sans référence. Non, non, nous on pouvait avoir la foi plus que Noé. Pourquoi? L'enlèvement que nous attendons a une référence. Enoch, le septième, après Adam, a été enlevé. Est-ce que vous le croyez? Élie, le Tisbite, a été enlevé. Vous le croyez? Jésus-Christ lui-même, notre Rédempteur, a été enlevé. Vous le croyez? Les saints de l'Ancien Testament ont été enlevés. Vous le croyez? Croyez aussi que Dieu va nous enlever. Ce sont des vérités bibliques incontournables. Nous, on peut se référer. Mais Noé, lui, il a cru sans référence. Et Noé, sous le sang des bêtes, mais toi et moi, nous sommes sous le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas le message. Le message, c'est la parole révélée qui nous prépare pour l'enlèvement. Le sang de Jésus, c'est le sang de médiation. Alléluia! Notre avocat, on parlera. Il plaide pour nous en cause de ce sang. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous croyez que le sang de Jésus a la même puissance ce soir? Oui, oui. Ici, on ne croit pas que le sang s'est cher. C'est un mensonge. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un Dieu de promesses infaillibles. Quand il promet, l'accomplit. Et au verset 8, mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, le Seigneur, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Au verset 13, il dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons selon la promesse. L'espérance bénie des élus. On ne peut pas parler de l'espérance sans parler de promesses. Ce sont les promesses qui suscitent l'espérance dans les croyants. Oh, c'est merveilleux ça. Je me sens joyeux. Notre Dieu ne peut pas trahir sa fidélité. David avait dit ça dans Psaume 89. Cette écriture me vient en esprit. Psaume 89. Il dit ceci, verset 34. Il veut commencer au verset 33. Je punirai de la verge leur transgression. Et par des couleurs iniquités. Mais je ne leur retirerai pas moi ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Alléluia. Amen. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Frère, quand Dieu a déjà dit, il a dit. Lui-même Dieu sait lire la corde. Lui-même sa parole. Il dit, moi Dieu, je ne peux pas faire des choses pour trahir ma fidélité. Moi Dieu dit, prononcer avec mes lèvres les promesses et manquer les accomplir. Ça c'est vous les hommes. Mais pas moi Dieu. Moi Dieu, je ne suis pas un homme. Comme dans Nombre dit, lisons un peu cette écriture. Nombre chapitre 23. Vous aimez les écritures? Au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Je répète jusqu'à ce que vous direz un grand amen. Je n'ai point un homme pour mentir. Je n'ai point un homme pour mentir. Je n'ai pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Frère, on vous pose vous les questions. Est-ce que ce que Dieu a dit, il ne peut pas l'accomplir? Il dit, je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne changerai pas les paroles sorties de mes lèvres. Quand il a dit, je suis votre Dieu, je vous guéris de toutes vos maladies. Croyez que c'est la vérité. C'est un Dieu fidèle. Il a dit dans Jean 14, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit seulement, restez sur la terre, il n'y a aucune autre promesse. Mais il dit, aussi vrai je vous dis la vérité. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsqu'il en sera fini, donnez-moi la promesse de Jean 14 là. Technique, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi Jean 14 là. Versets 1 à 3. Vous traînez. Fundi. Que votre cœur ne se trouble point. Ce sont des paroles merveilleuses. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, les trinitaires ne comprennent rien. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est-à-dire quoi? Je ne fais jamais de fausses promesses. Je vais vous préparer une place. Et lorsqu'il en sera fini, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je ne reviendrai pas pour que vous me contempliez dans une photo. Non, je reviendrai pour vous prendre. avec moi, afin que là où je suis, vous se soyez aussi. Quand Jésus prononce cette parole, c'était avant sa mort. Il était mort, il est ressuscité. Alléluia! Il est mort comme un agneau. Il a payé le prix. Il est ressuscité comme souverain sacrificateur. Il a amené l'offrande du sang. Le matin de la résurrection, il n'a pas permis que personne ne le touche. Mais vrai, c'est la vérité. Et il est monté là. Il a présenté le sang. Et le soir, il est retourné parmi les disciples. Que Dieu vous bénisse. Là, il pouvait dire, toi Nicodème, mais je suis là. Touchez-moi. Puisqu'il avait déjà présenté le sang. Il a vécu avec 40 jours. Est-ce que l'église est là? Maintenant, il est monté avec sur la montagne. Je crois que vous avez visité cette montagne. Amen. Il leur donne la promesse du Saint-Esprit. Il leur dit, le Saint-Esprit viendra. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Le Saint-Esprit va venir. Il termine. Vous serez des témoins à Jérusalem, partout. Amen. Jusqu'à Kambov. Il y aura des témoins. Pas des témoins de Jéhovah. Des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens qui ont vu les œuvres de Christ. Amen. Il termine. C'est alors qu'il fut élevé. Il le regardait. Aucun disciple n'avait la puissance de monter avec lui. Car la plénitude de la divinité était en lui. Aucun homme n'avait pas le Saint-Esprit quand Jésus vivait sur la terre. Même Jean-Baptiste, qu'on avait dit qu'il était loin de l'Esprit, dans le ventre de sa mère, quand Jésus est venu, Jésus a englouti tout. Jean-Baptiste est resté comme l'aigle avec les yeux troués. Il pouvait même demander, aller lui demander, c'est lui où nous devons attendre l'autre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que l'église est là? La plénitude de la divinité était corporellement Jésus. C'est pourquoi Jésus disait, si le grain de blé humain qui est tombé en mer, il demeure seul, il est mieux que je m'en aille. Il faut que je me multiplie. Et les disciples regardaient là. Sans puissance d'enlèvement. C'est pourquoi, frère, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas l'enlèvement. La puissance pour monter, pour défier la pesanteur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Pas comme l'onction, mais un homme scellé. Puisque beaucoup sont loin, mais beaucoup ne sont pas scellés. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Et Jésus est monté. Les disciples regardaient. Ah, il est monté. Il est monté. Dieu a envoyé la consolation. Cette parole qui nous console jusque ce soir. Soyez consolés, Église. Homme galiléen. Pourquoi vous ratez vous regarder au ciel? C'est Jésus. Cet homme. Pas un esprit. Cet homme. Qui a la tête, les jambes, le pied, le main, l'homme tout entier, cet homme, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu là au ciel. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire gloire à Dieu? C'est la vérité, frère. Il reviendra par un esprit, mais ce même Jésus, tel qu'il était parti. Oh, Branham et Jésus. Oh, Branham et Jésus. Jésus ne pouvait pas encore venir naître. Yesu ashikupasi tena kurudia zaliwe. Branham était né. Branham alizaliwa. Oh, quand Branham est venu, c'est ça Jésus aujourd'hui. Oh, il y a un Jésus de l'Est, il y a un Jésus de l'Ouest. Quelle sorcellerie! Comme un jour est éclairé par un seul soleil, le même soleil qui se lève le matin, c'est le même soleil qui se couche le soir. Le même Jésus que les apôtres ont prêché, c'est le même Jésus que Frère Branham a prêché. Est-ce que vous dites amen? Comme il n'existe pas de soleil, il n'y a pas de Jésus. C'est le même Jésus-là qui nous a sauvés, c'est celui que nous attendons. C'est la vérité, frère. Il reviendra. Et Dieu a dit, croyez-moi que je ne mens pas. Je suis la vérité. Amen. C'est vrai. Notre Dieu ne peut pas trahir sa fidélité. Il ne peut pas changer les paroles de sa bouche. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, Paul dit, Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Lui qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus-Christ. Notre Seigneur. Wetu. C'est un Dieu fidèle. Ni Mungu mwaminifu. Et dans 2 Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Verset chapitre 1. Sura ya kwanza. 2 Corinthiens aussi chapitre 1. Wa Korinto wa pili sura ya kwanza. Est-ce que l'église de Kambofu croit que notre Dieu est fidèle? Est-ce que vous avez compris que Dieu ne trahira jamais sa fidélité? Vous avez compris que notre Dieu ne fait pas de vaines promesses? C'est là que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1. Alléluia! Il dit au verset 18, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée, que nous vous avons prêchée, n'a pas été oui et non. Frère, nous ne prêchons pas avec hésitation. L'État n'est plus de prêcher comme si on essaye. Non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons prêchée n'a pas été oui et non. Peut-être nous venons de comprendre que les tonnerres sont révélés. Peut-être c'est comme si on n'avait pas bien compris que... Non. On n'est pas de ce genre-là. Et Dieu ne vous a pas donné ce genre-là de pasteur. Et je crois que c'est la vérité. Que Dieu soit loué. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par moi. Ici, je place d'abord mon nom. Qui a été prêché par moi, David Chileng. Par Ngoinda et Pierre. Par Josué Mbala. José Mbala. Nous actualisons l'écriture, non? Dites amen. La parole de Dieu qui a été prêchée par moi. Neno la Mungu par Sylvain. La Sylvain. Par Timothée. La Timothée. N'a pas été oui et non. Ay, kukuwe ndiyo, na apana. Mais en lui, alakini ndani il n'y a que le oui. Pourquoi? Car Juani, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui amen, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Frère, Nduku, les promesses de Dieu sont oui et amen. Ikondiyo na amina. Il n'y a pas moyen de modifier. Hakuna namna kuibadilisha. Amen. Amina. Je termine en vous lisant cette citation. Nikunamaliza mukumsomea u misemo ya nabii. Paragraphe 80, paragraphe 26. Nukta makumi mbili na sita. Sentinelle canne étude de la nuit. Zamu habari ya busiku. Prêché le 20 décembre 58. Parubiri le 20 décembre 58. Frère Branham dit. Nduku Branham asema hivi. Je suis si heureux. Nikuwa heri sana. Quand ces jours où nous vivons maintenant. Malgré l'obscurité et les ténèbres de tous côtés, il semble y avoir voir une espérance bénie attachée au cœur du peuple de Dieu, selon laquelle à un certain moment glorieux Jésus reviendra. Est-ce que l'église veut dire amen pour ce soir? Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. Nous évoluerons demain. Je crois que Dieu nous bénira davantage. Amen. Amina.